viens du marché noir. Tu fais mal, je fais mal aussi. Mal au froid, si je sors ce soir, quelques balles dans ta carrosserie. Maléfique, sur mon fin tragique. Aigre pas, comme un parasite. J'suis dans l'ombre, la lumière m'attriste. Elle n'attire que la jalousie. Là. Tant de love pour mon continent. Elle m'enrage quand je lui dis non. Silencieux, pas de confident. Pour Etienne, je vois mon fils Armand. Studio tourné vers absent. Mourir jeune, pourquoi vivre longtemps. Bilan roulé, hibernation. Love. Désolé, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Bonjour papa, aujourd'hui j'ai vu des poissons. Je sais pas comment leur nom. Poissons. Piranhas. On a vu des piranhas. On a vu des poissons. On a vu des escargots. On a vu des poissons et des requins et des poissons. Doucement, doucement. Je ne joue pas avec mes nerfs et mes sentiments. Je me sens déjà très mal, car mon fils me manque. Je suis plus avec sa mère et les biches le savent. Pourtant ils me disent que j'ai changé. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. J'ai changé. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. J'ai perdu des proches. Certains sont pas morts, ils ont juste fait les traîtres. Faut pas l'approcher car c'est juste pour les fesses. J'ai l'impression que rien c'est tout ce qu'il me reste. Quand la nuit s'achève, je pars avec elle, je plane. Dans les quatre directions comme off-white. Je prends la dernière ligne de ma deadline. Ce sont les bouts de mon cœur brisé qui blessent. Quand on le touche, on y reste. Dums. Doucement, doucement. Je ne joue pas avec mes nerfs et mes sentiments. Je me sens déjà très mal. Car mon fils me manque. Je suis plus avec sa mère. Elle est biche, ça. Pourtant, elle me dit que j'ai changé. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. J'ai changé. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. Seul le silence ne fait que sans bruit. Celui du regret, celui du pourquoi je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas dit, pourquoi je vais être fait. Celui du bot mon cœur qui ne s'arrête pas car il a qu'une seule vie. Ouais, c'est vrai que je pense un peu trop. Parce que je veux pas être le même qu'hier. Parce que je veux pas faire les mêmes erreurs. Mettre ma carrière avant l'amour. Tu m'as changé.